Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de Français que la France a oublié, les harkis. Harkis, nom masculin qui signifie servant dans une formation militaire appelée harka pendant la guerre d'Algérie. Mais aussi, par extension, membre de la famille d'un harki ou descendant d'un harki. C'est la définition qu'en donne Larousse, suggérant ainsi que le qualificatif se transmet par le sang, de génération en génération. Un mot singulier, puisqu'il désigne encore aujourd'hui des centaines de milliers de Français, alors que les harkis, ces militaires engagés aux côtés de la France en Algérie, n'ont été soldats de fait que pendant la guerre. Réfugiés en France à partir de 1962, ceux qu'on appelle alors « Français musulmans rapatriés » ne forment pas tout de suite une communauté. Non, c'est l'accueil que leur réserve la France qui va les souder autour d'une histoire partagée, celle de l'exclusion et du silence. Une histoire qui serait sans doute restée longtemps enfouie s'il n'y avait eu les enfants de harkis, brisés, révoltés, engagés. Ils vont se battre pour être entendus et reconnus. Des montagnes de Kabylie au Massif Central, des camps de transit au HLM de banlieue, c'est donc ce combat, celui des harkis et de leurs enfants, que nous allons vous raconter aujourd'hui. Notre invitée est Fatima Mesnassi-Lankou, historienne, auteure du livre intitulé « Famille de harkis dans le camp de Rivesaltes », publié cette année aux éditions Louvatière. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillère, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous, satisfont la raison de la France. Le 18 mars 1962, à la suite des accords d'Évian, le général de Gaulle annonce à la RTF un cessez-le-feu signé avec le gouvernement provisoire de la République algérienne formé par le FLN. Après 7 ans et 5 mois, c'est donc la fin de la guerre d'Algérie. Un conflit qui aura causé la mort, les chiffres varient selon les sources, de 250 000 à 400 000 Algériens contre 26 000 soldats français. Une guerre qui marquera les cœurs et les corps des deux côtés de la Méditerranée. En signant les accords d'Évian, le FLN s'est notamment engagé à ne pas exercer de représailles contre les Français musulmans, comme on dit alors, ceux qui se sont battus dans le camp de la France pendant la guerre. Mais dans les jours qui suivent le cessez-le-feu, de premières violences éclatent dans les villages contre ceux que la population broyée par la guerre considère comme des traîtres. Paris va d'abord fermer les yeux. Impossible d'accueillir les harkis dans ce qui n'est plus pour longtemps la métropole, estime-t-on. Alors que d'autres Français, les pieds noirs, les Français d'Algérie, non musulmans, eux ont déjà commencé à embarquer pour la France par centaines de milliers. Les autorités françaises vont faire alors un choix terrible. Elles vont hiérarchiser. Les pieds noirs, d'accord, et encore. Le ministre des Affaires algériennes, Louis Jox, craint qu'ils ne nourrissent les rangs de l'OS Métropole, qui planifie assassinats et attentats en France. Mais les harkis, eux, qui sont également français, puisque l'Algérie n'est pas encore officiellement indépendante, doivent rester dans leur pays. C'est avec l'indépendance du 3 juillet 1962 que la situation bascule. Torture, massacre, le FLN fait et laisse faire, et des dizaines de milliers de harkis perdent la vie. Paris, qui a déjà commencé à envoyer au compte-gouttes quelques bateaux à la mi-juin 62, accélère la cadence. En tout, plus de 40 000 éphémères français musulmans rapatriés embarquent, 50 000 autres les rejoignent via des réseaux parallèles avec l'aide d'associations et de gradés français. Sur les bateaux, ont embarqué des enfants, des femmes et des hommes pour un voyage de plusieurs jours qui les mène vers l'inconnu. Oui, où vont-ils habiter, travailler, aller à l'école? Ils n'en savent rien. Les premières images de cette migration sont diffusées par la RTF le 23 juillet 62. Des images que les caméramens ont bien eu du mal à obtenir. Et ce sont les dernières avant plusieurs mois, précise le journaliste présentateur. Comme si les autorités qui ont la main sur l'audiovisuel à l'époque voulaient cacher aux Français l'arrivée de ces autres Français qu'aussitôt débarqués, on met dans des camions. Le porte-avions Lafayette est arrivé ce matin à Marseille, venant d'Alger avec à son bord 259 harkis et leurs familles, soit au total un millier de personnes environ. Le débarquement s'est effectué dans l'enclave militaire du port, où un certain nombre de précautions avaient été prises. C'est d'ailleurs pourquoi nos caméramens ont eu beaucoup de difficultés à nous ramener ces images. Dès leur débarquement, les harkis et leurs familles sont montés dans des camions qui les ont transportés à l'extérieur où un repas froid leur a été distribué. Ensuite, cet après-midi, c'était le départ d'un train spécial qui les a conduits au camp de Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme. Parmi les 80 000 Français musulmans rapatriés qui arrivent sur le territoire à partir de 1962, il y a des anciens combattants des deux guerres mondiales. Ils étaient 160 000 pendant la première, rappelons-le, 175 000 pendant la seconde. Il y a des élus, des hauts fonctionnaires, des notables au service de l'administration française en Algérie, des élites francisées formées à l'université française, et puis il y a les harkis. Alors, plus ou moins pauvres, en tenue traditionnelle ou à la mode européenne, supplétifs de la première heure ou anciens du FLN retournés, il y a aussi beaucoup de paysans illettrés, des militaires dont l'engagement auprès de la France a été voulu, mais parfois subi. Bref, écartelés entre les violences de l'armée française et celles du FLN, certains ont choisi sans choisir, par défaut donc. En 62, l'écrasante majorité des nouveaux venus, ceux qui ne peuvent pas se loger par leurs propres moyens, sont placés dans ce qu'on appelle des camps de transit et de reclassement. Des camps militaires qui sont censés être temporaires. Le Larzac, dans l'Aveyron, Bourg-Lastic, dans le Puy-de-Dôme, puis Biasse, en Lot-et-Garonne, Larry, dans la Vienne, Saint-Maurice-l'Ardoise, dans le Gard, et Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales. Des dizaines de milliers de personnes vont y séjourner au cours des années 60. Le camp de Rivesaltes, le plus connu, deviendra un symbole pour la communauté harki. Le symbole d'une trahison d'abord, celle de la France qui abandonne hommes, femmes et enfants pendant près de 2 ans. Comme le rappellent les Miradors et les Barbelés, le camp de Rivesaltes a accueilli pendant la Seconde Guerre mondiale des Tziganes, des Juifs étrangers en transit vers Drancy, puis des prisonniers de guerre, allemands, italiens. Dans une zone désertique et isolée, coincée entre les Pyrénées et la mer, 2000 tentes de l'armée logent des familles livrées elles-mêmes. Tous garderont en souvenir les sanitaires vétustes, la sirène pour le repas, la pluie dans les tentes, la tuberculose, et en hiver, bien sûr, le froid, le vent glacial, les enfants qui pleurent et les poêles au mazout qui ne chauffent qu'eux-mêmes. Kader et Bernard Gouta y ont vécu enfants. Ils se souviennent. Quand je vois ces maisons, c'est que... On y habitait, ça a été le froid, la misère, les poux, les cafards, éloignés de tout, laissés tomber de tout le monde. C'était un camp fermé, quoi. Qu'il fallait... Ah oui, oui. Il y avait un couvre-feu. Absolument, absolument. Il y avait carrément un couvre-feu. On avait un chef de camp, il s'appelait M. Rivière, qui décédait d'ailleurs. Ouais. Et à 7h, il fallait que le portail soit fermé et que tout le monde soit à l'intérieur et fermé, que personne sortait. C'était couvre-feu, quoi. Je veux dire, c'était fini. Il y avait... C'était une prison, quoi. Alors, tout le tour, c'était des barbelés. Tout le tour, on était enfermé de barbelés. Les camps de transit loin des villes fonctionnent en vase clos. Le courrier est contrôlé, l'électricité coupée à 22h et les sorties interdites sans autorisation. La levée des couleurs est évidemment obligatoire et l'école est dispensée par des militaires. Entassés dans un préfabriqué, sans distinction de niveau, les enfants font les frais de la sévérité, voire de la violence de leurs instructeurs, anciens de l'Algérie française. Des humiliations dont beaucoup, devenus grands, se souviendront. Mais au cours des années 60, les harkis vont commencer à sortir de ces camps de transit, être reclassés, car c'est le terme officiel. Dans le nord et le nord-est de la France, à Paris, près de Lyon ou sur la côte méditerranéenne, ils vont s'éparpiller dans l'Hexagone, avec une constante pour beaucoup d'entre eux, et malgré la fermeture des camps de Larry et de Rivesaltes en 1964, ils seront laissés à l'écart de la société française. Sur le plateau du Roux, alors c'est quelque chose de tout à fait différent. Ce sont les officiers revenant d'Algérie, qui avaient ramené d'abord une partie de leurs troupes harkis. Ils ont voulu donc tenter un essai consistant à grouper un certain nombre de familles, les plus valables et les plus capables de s'adapter au travail agricole, et ont voulu essayer l'organisation d'une ferme collective sur ce plateau du Roux, qui était lui-même constitué par un groupe de 3 villages, mais dont aucun n'était habité à l'heure actuelle. Mais avait malgré tout été abandonné assez récemment. De ce fait, les maisons et les bâtiments de ferme étaient encore relativement en état. Par conséquent, les officiers en question ont fondé une association qui s'appelle Village de Renouveau et ont installé là-haut, ils sont en cours d'installer, une dizaine de familles sur ce plateau. Grâce à des initiatives privées comme celle du plateau du Roure en Lozère, des familles de harkis vont ainsi s'installer dans des villages français. À l'origine de ces projets, d'anciens officiers de la guerre d'Algérie, mais également de riches familles d'origine algérienne, des notables francisés qui soutiennent leur communauté. Il y a par exemple, très médiatisé dans les années 60, le Bachaga Boualam, ancien député et vice-président de l'Assemblée nationale jusqu'en 1962. Ce haut dignitaire, responsable en Algérie colonisée de 24 tribus, accueille au Matiber, près d'Arles, des dizaines de familles qui travaillent au champ, sous sa protection. Presque du cas par cas, dans des régions rurales où les harkis se heurtent parfois aux réactions d'autres Français, pas toujours bienveillants. J'aurais cru qu'ils soient malgré tout plus évolués et qu'ils s'adaptent plus rapidement, pour certains éléments au moins. Et surtout, ce qui me surprend le plus, c'est leur degré mental. La plupart, on peut leur donner l'âge mental d'un enfant de 15 ans, pas plus. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre à cela au départ, ou est-ce que vous avez été surpris par ça? Eh bien, moi j'étais un peu surpris parce que je connaissais tout de même assez mal la mentalité musulmane. Donc déçu, dans un certain sens? Dans ce sens-là, oui, maintenant, mais j'avoue que je ne regrette pas de les avoir acquis. Oui. Sans vouloir se prononcer sur la raison pour laquelle on les avait mis dans notre camp, pour laquelle on nous a demandé de se battre pour nous, sans vouloir se prononcer dessus, il est certain que nous avions embarqué avec nous dans la même galère. Donc il y avait quand même une question de solidarité pour ne pas les laisser quand même être détruits là-bas et être massacrés, comme l'ont été une grosse partie d'ailleurs des troupes. Nous avons une dette avec eux. Il me semble. Oui, d'un côté la dette de la France envers les harkis, de l'autre la peur et le racisme. Ce qu'éprouve le témoin anonyme que vous venez d'entendre, c'est ce qui, semble-t-il, va inspirer la politique française. À partir du mois d'août 1962, les pouvoirs publics mettent en place un système de reclassement collectif qui permet de reloger les harkis, mais aussi de les maintenir à l'écart de la société. 75 hameaux de forestage, isolés de toute agglomération, vont accueillir au total près de 10 000 personnes. Une ségrégation assumée, oui, pour éviter, pense-t-on, incompréhensions et tensions avec les Français dits « européens ». Provence, Aveyron, Lozère, Var, Vaucluse, la plupart de ces hameaux sont situés dans le quart sud-est de la France. Les hommes doivent y mener à bien les projets d'aménagement des forêts domaniales de l'Office national, l'ONF. Les harkis deviennent donc bûcherons, habitants de petites maisons blanches sous les pins, les cigales, les soleils, des airs de paradis, quoi, mais... désert seulement. Car les hameaux de forestage rappellent par bien des aspects les camps de transit que les harkis ont à peine quittés. Des logements exigus, mal isolés, sans eau courante ni sanitaire, et une gestion stricte qui n'encourage ni l'autonomie ni l'intégration. En gros, un chef de hameau fait régner l'ordre, l'alcool et les jeux d'argent sont sanctionnés, tandis qu'une assistante sociale s'occupe des mères et des enfants. Et ils sont nombreux, les enfants. Comme ça inquiète le docteur Roux dans ce reportage au hameau de forestage du Pouget, en Lozère. Le nombre de naissances est élevé. Oui, il y a une forte natalité. Les familles de 5, 6, 7 enfants sont vraiment très fréquentes. Les familles de 2 ou 3 enfants ne se voient pas. Ce sont des couples jeunes qui n'ont que 2 ou 3 enfants. Parce qu'une femme de 35 ans a eu en moyenne 6 ou 7 accouchements. Même ces enfants font que vous contribuez à faire rester au monde, puisque vous dites que la mortalité en bas âge diminue. Ces enfants, il va falloir les envoyer à l'école, puis après, il va falloir leur trouver un métier. Ça va être au fond les problèmes de maintenant qui vont être multipliés. Oui. C'est ce que je voulais dire par que va-t-il se passer. Alors oui, plus tard, il est certain que les parents de nombreux enfants ne pourront pas les élever comme ils devraient. Ces enfants auront les mêmes besoins que les députés européens, et je pense que plus tard, ils auront un sentiment de frustration. Plus tard, les enfants auront un sentiment de frustration, s'inquiète le docteur Roux, et pour cause. S'ils grandissent au sein d'une communauté que la misère a soudée, ils ne connaissent de la France que la micro-société du hameau. Leurs pères sont brisés par le travail dans les bois, leurs mères, qui ne parlent pas français pour beaucoup, ne sortent jamais, ou si peu, du hameau. Dans les écoles qu'on a créées, pas de classe de niveau, pas d'association sportive, et une bibliothèque, oui, mais vide de livres. Les instituteurs font ce qu'ils peuvent pour faire de ces enfants, et c'est bien l'objectif des Français comme les autres, mais comment devenir un Français comme les autres quand on ne côtoie pas les autres? Car même quand ils sont scolarisés dans les écoles du village, ça arrive, l'instituteur divise la classe en deux rangs distincts. Et c'est souvent à l'école que les enfants de Harki découvrent le racisme. Fellows leur crache-t-on parfois la figure, eux dont les pères ont justement combattu les Fellagas du FLN. Cruel, enfantin, deux notions qui souvent se rejoignent. En 1966, les travaux prévus par l'Office national des forêts touchent à leur fin et il faut trouver d'autres solutions de reclassement pour les Harkis. Certains d'entre eux qualifiés d'irrécupérables par l'administration, oui, irrécupérables, tel est le libellé que des ronds de cuir sans conscience apposent, sont orientés vers les camps de Bias ou de Saint-Maurice-l'Ardoise. Ces camps de transit qui se sont pérennisés, qui accueillent encore à la fin des années 60 plus de 1000 personnes jugées inaptes à l'intégration. D'autres travailleurs des chantiers de forestage vont rejoindre les Harkis, déjà dispersés dans les régions industrielles de France. Les chantiers de la SNCF d'Alsace et de Lorraine, et les usines textiles du Nord notamment, qui attirent des pères de famille en quête d'emploi. À Roubaix, quartier de l'Alma, les Harkis échouent d'abord dans les courrées, ces minuscules impasses, humides et sombres, construites pour les ouvriers du 19e siècle. Puis, tandis que dans toute la France, des quartiers nouveaux sortent de terre, d'autres Harkis sont relogés dans des HLM, en périphérie des villes. Au Tilleul, à Marseille, aux Oliviers, à Narbonne, ou encore aux Pigeonniers, à Amiens. Reportage optimiste à Reims. Nous sommes en 1966. Depuis 1962, il leur a fallu à ces musulmans, à nos compagnons d'armes, passer du chaud soleil d'Alger-la-Blanche à la grisaille des marches de l'Est. Comment s'y sont-ils accoutumés? Comment se sont-ils acclimatés, je dirais presque métropolisés? Ces images répondent à nos questions. Qui, dans ces gestes et dans ces jeux, pourrait voir une différence avec les gestes et les jeux des métropolitains? Il y a dans la cité des Harkis de la route de Vitry à Reims des intérieurs aussi coquets que ceux d'un HLM de la ZUP Neuchâtel. Et dans cet ensemble, on y joue comme partout ailleurs, au ballon. Une baignoire, de l'eau courante, papa au travail, maman à la maison. Pour les enfants de Harkis, les HLM c'est finalement comme chez beaucoup de petits Français des années 70. Alors, pense-t-on, l'intégration n'a jamais été aussi proche. بابي العديان جرحوا قلبي بارك لا مويان كل يوم ندمان ديما ندفع الكونط وغويان بابي العديان جرحوا قلبي بارك لا مويان بيضا مون امور بيضا مون امور بيضا مون امور نديها براس ورويان سمحي لي يا زرقاء سمحي لي يا البيضاء معك ما لقيت فايدة واي En 1975, les Harki et leurs familles sont encore près de 2000 à vivre dans les baraquements insalubres des camps de transit de Bias et Saint-Maurice-l'Ardoise. Perçus comme des irrécupérables, on l'a dit, ils vivent ainsi confinés en marge de la société. Certains jeunes sont arrivés enfants dans les camps de transit et à 15 ans, 20 ans, 25 ans, ils n'en sont jamais sortis. Alors, à l'été de cette même année, excédés par la discipline militaire et la précarité, conscients d'être des citoyens à part, ils vont forcer la France à les écouter grâce à la voix qui incarne leur révolte, Mohamed Laradji. Monsieur Laradji, vous êtes président de la Confédération des Français musulmans rapatriés d'Algérie et leurs amis. Je crois que l'une de vos revendications principales, c'est que vous êtes contre les hameaux, qu'il faudrait supprimer les hameaux. Je suis contre parce que ces hameaux, ça constitue vraiment, je les ai toujours appelés, c'était des réserves indiennes. Parce que nous, ce que nous avons toujours souhaité, c'était l'intégration des Français musulmans, et en particulier des jeunes. Mais si on les a parqués dans ces hameaux, c'est pas là qu'on facilite l'intégration, c'est-à-dire on maintient la ségrégation. Nous, on a souhaité toujours qu'il fallait décentraliser ces hameaux de forestage et caser ces gens-là, par exemple, 4 ou 5 familles par village. Et là, j'estime que l'intégration se fait, et en particulier pour les jeunes. Mohamed Laradji, un fils de notable d'origine algérienne, se bat depuis plusieurs années déjà pour alerter l'opinion publique sur le sort des Français musulmans, et notamment des Harkis. Après plusieurs grèves de la faim, fortement médiatisées en 1974, il va entreprendre, en avril 1975, de visiter les camps et les derniers hameaux de forestage encore en activité. Inspiré, épaulé désormais par une figure médiatique, les fils de Harki, de Bias et Saint-Maurice vont alors multiplier les occupations de locaux et les prises d'otages. Leur objectif est bien d'attirer l'attention des autorités et de l'opinion publique sur leur situation et celle des Harki en général. Des citoyens de seconde zone, bannis en Algérie, exclus en France. Entre le 19 juin et le 16 août 1975, plus de 10 personnes, des immigrés algériens et un chef de camp, sont pris en otage par des fils de Harki armés. Ils sont tous libérés après quelques jours, mais ces actions radicales attirent les regards des médias sur les revendications des Harki, comme ce reportage au JT de France 3 lors d'une séquestration à Bias en 1975. On appelle toutes les Harki de la France qui sont, ça fait dire, les 232 000 qui sont ici et PCP avec notre mouvement. On était dans l'armée française. On a combattu l'ennemi et les amis. Maintenant, on recommence comme pareil. On a fait la guerre de l'Indochine. Il y en a beaucoup des amis qui sont ici, qui a fait 15 ans de l'armée française et 19 ans, qui était contre le pays et contre ses frères. Et maintenant, la France, elle ne reconnaît pas ses problèmes. Et ses enfants, on demande la civilisation d'enfants, on demande la civilisation de personnel. On rentre dans les villes, on sera français comme les Français. Je voudrais faire un appel solennel à tous les Français de se rappeler que la misère de nos amis, nous en sommes responsables. Alors aujourd'hui, je fais un appel à tous les gens de bonne volonté de faire pression auprès du gouvernement, de n'importe quelle manière que ce soit, pour que notre voix soit entendue. Et je demande à tous de se souvenir de ce qu'on leur a promis et du mal qu'on leur a fait. Le 6 août 1975, après des négociations avec les représentants des Harki, le Conseil des ministres prend la décision de fermer les derniers camps de transit et les hameaux de forestage. Bien. Mais le relogement est lent. Et 5 ans plus tard, oui, 5 ans, des milliers de personnes vivent encore dans les anciens hameaux. Près de 20 ans après l'arrivée des premiers Harkis en France, l'intégration n'est pas encore réalité, tant s'en faut. Les plus âgés sont désormais à la retraite, le corps abîmé par une vie à l'usine et la gorge nouée. La France n'a jamais reconnu leur souffrance, le déracinement, l'exclusion, la précarité. Quant à leurs enfants, qu'ils soient nés avant ou après 62, ils ont grandi bercés par le sentiment de trahison et d'abandon. Par le silence aussi, beaucoup d'enfants de harkis dans les années 80 ne savent pas exactement ce que leurs parents ont vécu. Dans les livres d'histoire, ils sont décrits comme des héros, dans la cour du collège, dans le quartier, ce sont au contraire des traîtres. Et à la maison, eh bien on se tait, comme si pour ceux qui ont connu la guerre, refouler permettait d'oublier. Alors, entre une France qui les discrimine et une Algérie qu'ils ne connaissent pas, certains enfants de harkis ont le sentiment d'être des citoyens de nulle part, des déracinés. D'autant que, dans les années 80, la population d'origine étrangère, et en particulier maghrébine, se heurte en France au mur de la bêtise et de la peur. Une déviance mentale qu'on appelle le racisme. Enfants de harkis ou d'immigrés, pour une partie de la population, c'est la même chose. Des Français, peut-être, mais surtout des bougnoules, comme on le leur jette au visage. Discrimination à l'embauche, violence policière, ratonnade. Les descendants de harkis, comme les fils d'immigrés, connaissent l'épreuve de la stigmatisation et de la violence. À Saint-Laurent-des-Arbres, dans le Gard, où vivent 20% de Français d'origine algérienne, un jeune homme, fils de harkis, est tué. Ses proches manifestent devant la mairie. On vit que dans la crainte, que dans la crainte. J'ai des amis qui ne peuvent même pas rentrer dans les boîtes de nuit. Pourquoi ? Parce qu'ils sont frisés. À Saint-Laurent-les-Arbres, la nuit de jeudi dernier a dégénéré. Aïssa Badaïn y a laissé la vie. Une voiture joue au stock-car dans les rues du village. Ses passagers injurient les jeunes sur la place. Jet de pierre, premier coup de feu, et puis le drame. Nous, on était en haut, du côté de la mairie, tout au bout de cette rue-là. Et eux, ils étaient garés ici. Ils nous avaient mis les pleins phares sur nous. Le deuxième coup de feu, il est tombé. Les plaques d'immatriculation étaient camouflées, à part que derrière, il y avait une trempe. La provocation ne fait guère de doute dans cette région très marquée par les conflits racistes. En 1982, aux élections cantonales, puis en 83, lors des municipales partielles, le Front National fait ses premières percées électorales. Il dépasse parfois les 15%, notamment dans des zones où les harkis sont très présents, comme à Dreux. Certains se sont d'ailleurs laissés convaincre par le discours de Jean-Marie Le Pen, qui dit vouloir défendre ceux qui ont combattu avec la France pendant la guerre d'Algérie. Des promesses qui deviendront vite une habitude préélectorale, car pour les frontistes, soutenir les harkis, c'est à la fois rappeler le souvenir de l'Algérie française et c'est minimiser le racisme anti-arabe du parti. Mais victimes d'une ségrégation bien réelle, les enfants de harkis vont surtout s'engager contre la xénophobie et l'exclusion. En 83, Toubi Djaïdja, fils de harki et président de l'association SOS Avenir Maringuette, est grièvement blessé dans des affrontements avec la police à Vénissieux, près de Lyon. 10 jeunes de son quartier, dont 6 fils de harki, lassés des violences policières et des crimes racistes qui ont émaillé la France cet été-là, vont décider d'agir. En octobre, ils organisent la marche contre les inégalités et le racisme qui traverse la France de Marseille jusqu'à Paris. Fils de harkis et fils d'immigrés y avancent main dans la main, sans plus se soucier de l'histoire de leur père pendant la guerre d'Algérie. Reportage d'Antenne 2 lors de l'arrivée de cette marche à Paris le 2 décembre 1983, où 100 000 personnes manifestent. Moi je suis déjà fils de harkis, je suis pas harkis, mais je supporte les conséquences. Hein. On habite toujours dans les baraques depuis 64, hein, alors que c'était prévu pour 5 ans. Moi, je suis monté en 70 à Paris quand il y avait Marcelin comme ministre de l'Intérieur, soi-disant que dans 2-3 ans, ça allait s'arranger. Et depuis 70, on est en 83 et ils habitent toujours. Vous voyez l'avenir comment ? Pas rose. Vraiment pas rose. C'est-à-dire ? Encore pire que les parents, parce que les parents, encore, ils ont été un peu pris en main par le gouvernement. Tandis que nous, on est perdus parce que quand on cherche du travail, on est refusé parce qu'on est des Arabes. Et quand on cherche, par exemple, un logement, c'est pareil, exactement la même chose. On n'est ni des immigrés, ni des Français, on ne sait pas qui on est. Problèmes d'identité, précarité, surendettement, échec scolaire, chômage. Au début des années 90, et malgré l'attribution à leurs parents d'une aide financière 3 ans plus tôt, les enfants de harkis considèrent que leurs difficultés n'ont toujours pas été entendues. La France doit solder sa dette, et quelques milliers de francs n'y suffiront pas. Leur engagement va leur prendre un nouveau tournant. à la Cité des Oliviers, à Narbonne d'abord, puis à Avignon, Agen, Marseille, Carcassonne, Biasse, Jouques, mais aussi plus au nord, à Reims, Châlons, Roubaix ou Amiens, en 1991. Dans le sillage des émeutes qui agitent les banlieues de la France entière, une partie de la jeunesse harkie va se soulever. Une vingtaine de départements sont concernés par ces révoltes qui disent l'exaspération de ces jeunes Français face aux inégalités. À Avignon, le 27 juin 91, une vingtaine d'entre eux occupent des bureaux de la mairie pour réclamer l'emploi qu'on leur a promis et dont ils n'ont toujours pas vu la couleur. Quelques jours plus tard, devant l'inaction des pouvoirs publics, ils vont faire parler d'eux pendant le festival d'Avignon. Vers 17h30 cet après-midi à Avignon, les fils de harkis ont intercepté deux cars de la société de transport de la ville. Après avoir fait descendre les passagers, ils ont manœuvré les deux véhicules afin de bloquer l'entrée de la cité Montclar. Un mouvement d'humeur pour rappeler au gouvernement leur existence, leurs problèmes d'emploi et d'insertion. Pour les enfants de harkis, il ne s'agit plus de se battre avec les fils d'immigrés contre le racisme. Désormais, ils veulent que leur spécificité soit reconnue. Le choix de leurs parents, plaide-t-il, aurait dû favoriser leur intégration au sein de la société française, pas la freiner. La France doit donc leur donner, et donner à leurs parents, anciens combattants de l'armée française, ce qui leur est dû, des indemnités pour compenser la perte de leur propriété en Algérie et surtout du travail. Manifestations, barrages routiers, occupations, mais aussi grève de la faim. Dans les années 90, les enfants de harkis vont faire en quelque sorte que la France les regarde. Et ça marche. Articles, reportages, interviews, partout, on donne la parole à ces femmes et à ces hommes qu'on semble découvrir. Le mot harkis, très peu présent dans les médias jusqu'alors, prend une place nouvelle, désormais porté comme un étendard par les enfants de ceux qui se sont battus, rappelons-le, encore une fois, pour la France. Le 11 juin 1994, la loi dite relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés aux victimes de la captivité en Algérie, tel est le libellé, est votée à l'Assemblée nationale. Avec le premier article de la loi, adopté à l'unanimité, la France reconnaît officiellement et pour la première fois la souffrance et les sacrifices des harkis. Elle prévoit également la mise en place d'une allocation forfaitaire de 110 000 francs versée aux anciens harkis, ainsi que des aides au logement, 80 000 francs pour l'accès à la propriété, 50 000 pour la rénovation d'une propriété. Une victoire, certes, mais partielle, car elle ne concerne que la première génération. Et il faut attendre la fin des années 90 pour que les pouvoirs publics mettent en place des mesures en faveur de l'emploi des enfants de harkis. Emploi jeune, aide à la création d'entreprises, plan de formation, emploi réservé dans la fonction publique. Insuffisant, jugent les intéressés, car dans les faits, ils seraient peu nombreux à avoir bénéficié de ces dispositifs décidés localement. Loi, circulaire, décret, les réponses apportées depuis les années 90 par les autorités restent fragmentaires. Comment compenser avec de l'argent et trop peu d'argent, les préjudices matériels, mais aussi moraux subis par les harkis et leurs héritiers. D'ailleurs, les nombreuses associations qui voient le jour dans les années 90 et 2000 ne revendiquent pas seulement une indemnisation financière. Le nerf de la guerre pour la deuxième génération, et bientôt la troisième, c'est la reconnaissance de l'histoire des harkis. Un devoir de mémoire honoré successivement par Jacques Chirac en 2001, Nicolas Sarkozy en 2012 et François Hollande en 2016, sans que ces discours officiels ne parviennent à panser les blessures infligées par la France aux harkis et à leurs familles. Je suis africain. Africain du nord au sud, et je suis africain, dedans comme dehors, et je suis africain, et je n'ai pas le rythme dans la peau, et je suis africain, un albinos afro. Bamako. Je suis africain. Du Fuji au Kilimanjaro. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire des Harkis. Notre invitée, Fatima Besnassi Lankou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, cofondatrice de l'association Harkis et Droits de l'Homme, membre du conseil scientifique du mémorial du camp de Rivesaltes. Votre dernier ouvrage, Famille de Harkis dans le camp de Rivesaltes, a été publié cette année aux éditions Loubatière et édition mémorial du camp de Rivesaltes. Une coédition, c'est ça? Exactement. Bien. Vous êtes arrivée en France en novembre 1962. D'abord, quel a été le parcours de votre famille? Quelle est votre histoire? Oula, alors je ne sais pas si on a beaucoup de temps. Non, donc, pas trop. Donc allez à l'essentiel. Je vais aller à l'essentiel. Alors, fin de la guerre, ma famille a dû partir. Puisqu'une donc partie, 62. Hein, en 62, ma famille avait fait le choix de rester en fait. Il se trouve qu'une partie de ma famille a été massacrée. Donc l'été 62 et à partir de là, donc ils ont décidé de partir. À cause de son engagement pendant la guerre. Bien sûr. Mmh. En fait, les personnes qui ont été massacrées n'étaient pas harkis, c'était des membres de la famille de mon père. Donc vous voyez, en 62, quand on dit on a tué des harkis, non, on a tué des harkis. Bien sûr, on a tué des harkis, mais on a tué aussi des membres de leur famille. Et dans le cas de ma famille, c'était un grand-père qui était déjà âgé, il avait fait la Première Guerre mondiale, mais il n'avait pas fait la guerre d'Algérie. Une tante, le bébé, le mari de ma tante, enfin voilà. Donc, décidé de partir. Donc, ils ont d'abord été accueillis dans un camp militaire en Algérie, le plus grand camp d'accueil des harkis, qui est le camp de Zeralda, qui n'est pas très loin d'Alger. Beaucoup de familles sont parties de là. Ensuite, ils ont traversé donc la Méditerranée fin novembre 62, et arrivé à Port-Vendres, qui est un grand port qui n'était pas très loin de Rivesaltes, des camions militaires les attendaient, on les a embarqués et fait circuler de nuit. En général, les familles de harkis qu'on a amenées du port vers les camps de transit, en général, les véhicules ont circulé la nuit être vus par la population française. Mmh. Voilà. Donc, et nous sommes arrivés. Donc vous, vous étiez enfant, c'est ça? J'étais enfant, j'avais 8 ans, j'étais l'aîné de 5 enfants. Vous faisiez partie des enfants dont j'ai parlé pendant le récit, en fait. Exactement. Mmh. Je suis un pur produit des camps de harkis. Et vous êtes retourné à Rivesaltes, pardon, je vous bouscule un peu parce que comme on n'a pas beaucoup de temps et je veux aborder plusieurs sujets, je vous bouscule. Vous êtes retourné à Rivesaltes? Oui, bien sûr. Oui. Alors la première j'y suis retourné après plus de pas loin de 40 ans après. Ah oui. 40 ans. Voilà. Pourquoi ce Oh, un besoin d'y retourner un moment, tout simplement. Et j'y suis allée avec mon mari. J'ai passé 2 jours vraiment aérée dans le camp. Vous avez des enfants? Oui. Alors, oui. Comment se passe la transmission de... Est-ce qu'on peut dire culture harki? Non, je pense pas. Non. Mais de cette condition harki, on va dire condition. Comment se passe la transmission? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment vous en Alors, parlez? Alors écoutez, en fait, moi je suis une militante tardive. C'est mieux vaut tard que jamais. Voilà, oui. Et pourtant, je vous dis, j'ai passé 15 années de ma vie, donc je connais très bien les camps, hein, camp de Rivesaltes, où j'ai été scolarisée par des militaires dans le camp, où j'ai appris, je n'ai pas appris grand-chose, sauf les chants de marche militaire. voilà, donc. Ensuite, j'ai fait des hameaux de forestage, 3 hameaux de forestage. Et puis ensuite, bon, bah, écoutez, j'ai fait ma vie, j'ai travaillé, et puis un jour, pour un fait dont je pense que vous allez parler tout à l'heure, qui a réveillé tous mes souvenirs. Et là, je me suis mise à écrire, je me suis mise allons-y, à militer. Allons-y, le fait, qui a, le point de bascule, c'est quoi? Et en fait, c'était en juin 2000, lors de la visite du président de la République algérienne, Bouteflika. Mais je crois qu'on va en parler tout on à va, l'heure. Ben on va même en parler voilà. Tout de suite, puisque on va l'écouter. On va l'écouter ensemble, et puis on va continuer notre discussion, ce que dit Bouteflika, et c'est un choc. Je crois que aussi les conditions ne sont pas encore venues pour des visites de harki, ça il faut que je le dise. C'est exactement comme si on demandait à un Français de la résistance de toucher la main à un collabo. Donc c'est très dur. Là c'est important ce que vous dites parce que vous ne l'aviez pas évoqué. Pour les autres, il faudrait que je dise que les portes sont désormais ouvertes sous réserve, que l'on ne vienne pas retrouver le paradis perdu ou que l'on vienne faire une politique néocoloniale. Donc c'est la première fois qu'on aborde ouvertement, en tout cas, le problème des harkis. Donc vous ne ferez pas le geste qu'ils vous demandent, c'est-à-dire de rouvrir vos frontières. Mon camp était très clair pendant la guerre de libération. Donc pour ce qui me concerne, je comprends très bien que quelqu'un ait pu être dans l'autre camp. Mais il y a le peuple algérien, je dois tenir compte de l'opinion. L'opinion n'est pas mûre pour ce genre d'opération. En gros, je comprends que d'autres n'aient pas la même opinion que moi, mais je suis, moi, l'opinion de la population, de mon peuple, donc c'est mon opinion. Alors, oui. En gros, c'est ça, quoi. En gros, oui. Bon, ça, c'est le point de bascule. Quand vous entendez ça, c'est vrai que c'est terrible. C'est comme si on demandait à un Français de la résistance de toucher la main d'un collabo. La phrase est très violente. Oui. Elle est violente, et c'est ça le point de bascule pour vous? Oui, ça a été le point de bascule. Mmh. Alors, c'est vrai que c'était très violent, mais à vrai dire, aujourd'hui... ça l'est beaucoup moins, en fait, compte tenu du destin de Bouteflika, parce que là, il parlait du peuple, le peuple qui vient de lui dire « dégage ». Alors qu'il disait « le peuple, c'est moi hein, ». Oui, ouais. Voilà. Et maintenant, voilà. Non, mais c'était d'une très, très grande violence. Et ce qui était très violent, en fait, il y avait 2 choses qui ont été violentes pour moi. La première, c'est venait de France. C'est que le président de la République, qui était à l'époque Jacques Chirac, n'avait pas relevé ça. Il n'y a pas eu d'incident diplomatique. Ce président voyou venait d'insulter des Français. Ouais. Voilà. On a beau leur mettre l'étiquette musulman, français, etc. Ça reste des Français, c'était des citoyens français. Bien sûr. Là, c'est le premier choc. Deuxième choc, c'est d'être insulté par un tel individu. C'est quand même... il fait partie d'une bande qui a pillé le pays. Il a fait partie d'une bande qui a détourné l'argent du pétrole. Et il dit qu'il parle au nom du peuple. Vous voyez, je vais vous citer quelque chose et vous allez bien comprendre. Pendant le week-end, j'ai passé du temps avec une amie qui est fille de harki, dont le papa est décédé. Mais il était vivant au moment des faits là de Bouteflika et elle m'a dit qu'est-ce que je regrette que papa ne soit pas encore en vie. J'aurais voulu que papa ait vu la déchéance de Bouteflika. Que comme une justice qui arrive, c'est ça? Je ne sais pas si c'est une justice, mais de le voir, c'est vrai que pour certains enfants de harki, c'est jouissif de voir le peuple algérien dans la rue et puis demander à Bouteflika de dégager. Ouais. Les harkis, c'est un bonhomme qui s'appelle Bouteflika qui leur a dit dégager. Lui, c'est presque tout le peuple algérien qui lui a dit dégage. Alors, je reviens, parce qu'on était parti sur votre itinéraire, et donc votre témoignage, qui va renforcer le récit, puis vous êtes venu à parler de Bouteflika, donc on l'a écouté très bien. On revient là où on en était. Donc vous avez 8 ans, vous êtes dans ces camps, et puis après hameau de forestage. Comment vous vivez? Moi, ce que j'en ai dit, c'est que les conditions de vie étaient dures, quoi, vraiment très dures, et c'était bien ça. Qu'est-ce que vous gardez du souvenir de ce moment-là? Alors, ce qui a été très dur, c'est le camp de Rivesaltes. Pourquoi? Parce que le premier hiver, on l'avait passé sous les tentes. C'est une région qui est extrêmement froide l'hiver et excessivement chaude l'été. Voilà, c'est un terrain militaire balayé par la Tramontagne. Et toutes les populations qui sont passées à Rivesaltes disent la même chose. Les populations de la Seconde Guerre mondiale disent qu'il faisait un froid épouvantable. Voilà, ce froid et d'être sous des tentes. Il y a eu des enfants qui sont décédés, des personnes âgées qui sont décédées dans le camp. Faute de soins et à cause du froid. Alors il y avait le froid et le manque d'eau. Oui, c'était une faute de soins aussi, d'ailleurs. Voilà, donc manque d'hygiène. Notre assistante à personne en danger, le manque. Voilà, manque d'hygiène, de la tuberculose, des maladies de peau, des femmes qui ont accouché sous des tentes dans des conditions absolument épouvantables. Donc, des enfants qui étaient pieds nus, des enfants, même si après il y a eu quand même quelque chose qui a été organisé, la Croix-Rouge française est venue sur place, donc il y a eu des aides matérielles, mais ça reste quand même un lieu incroyablement... inhospitalier, pour dire ça. Oui, exactement. D'ailleurs, les militaires ont dans leurs archives... parce que donc je vous disais, le camp de Rivesaltes n'avait pas été construit pour en faire un camp d'internement, mais pour en faire un camp militaire. Et dans leurs archives, on retrouve que il ne fallait surtout pas mettre des chevaux parce qu'ils n'auraient pas pu vivre dans un tel lieu. C'est dire. L'enseignement par des militaires, ça se passait comment? Alors, petit à petit, ça s'est organisé, mais les enfants, les premiers enfants qui ont été scolarisés comme moi, en fait, il n'y avait pas des enseignants de l'éducation nationale qui sont arrivés dans le camp. Donc, c'était des militaires qui étaient extrêmement gentils avec nous, mais ils se sont improvisés militaires, donc ils nous ont mis dans des espèces de hangars où on était, je sais pas, peut-être 80 à 100. Des enfants qui ne communiquaient pas forcément entre eux parce qu'ils ne parlaient pas forcément français et ne parlaient pas forcément la même langue. Il y avait différentes ethnies. En plus. Il y avait les berbérophones, les arabophones. Donc, les militaires ont fini par créer une sorte de chorale. Donc, ils nous faisaient chanter. Tiens. Voilà, donc j'ai le souvenir d'avoir appris toutes les chansons classiques françaises, traditionnelles, et surtout les chants militaires. Ma génération chante la Madelon et auprès de ma blonde. Mais en fait, on chantait sans vraiment connaître la signification des mots. Parce que vous étiez enfant, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on a... Vous êtes resté jusqu'à quel âge est resté à peu près un an. Donc, 8 ans, c'est difficile de raisonner politiquement, de surcroît. Mais qu'est-ce qu'on pense à 8 ans? Je n'avais aucune politique. Mais qu'est-ce que vous disiez? Vous disiez, mais pourquoi je suis là? Pourquoi il y a des enfants, ils sont dans leur famille, ils vivent normalement. Moi, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous dire, personnellement, en fait, je me rendais compte que les gens étaient désespérés. Oui, vous sentiez que vous étiez dans une condition humaine malheureuse. Voilà, ça c'est une chose. Et personnellement, j'étais très troublée par le drame qu'on venait de vivre. Je vous disais tout à l'heure qu'une partie de ma famille avait été tuée l'été 62. Ma grand-mère était restée en Algérie. Je ne savais pas si elle était encore vivante ou tuée aussi. Donc ma préoccupation, c'était l'attente de cette grand-mère. Donc voilà, c'était des préoccupations d'enfant. Bien sûr. Alors, préoccupation d'adulte, bien sûr qu'il y a les conditions de vie, il y a l'inégalité des chances, pour le coup, pour lequel votre communauté se bat, et on la comprend. Mais est-ce que le premier malaise que vous ressentez, c'est pas d'abord un conflit d'identité? Un problème d'identité? Parce que qui sont ces gens et descendants de gens qui sont considérés par la France, qui devraient être considérés? Puisqu'ils ont combattu auprès de la France, Et justement, non. Alors, c'est... Je peux vous répondre à ça, parce que, en fait, moi, j'ai passé près de 15 ans dans ces camps. Hein. D'abord, à Rivesaltes, qui était un camp de transit, mais ensuite, dans ce qu'on a appelé des hameaux de forestage, qui étaient des petits camps, avec un chef de camp, loin de la ville, etc. Et le fait d'avoir été enfermé comme ça entre nous, hein, de vivre entre soi, en fait... pendant très longtemps, j'avais du mal à dire, quand on me disait « tu es de quelle nationalité ?», spontanément, j'allais dire « algérienne », alors que je savais qu'au fond de moi, je n'étais pas algérienne. Donc il y avait un conflit d'identité, c'est parce que je dis. Oui. D'accord. Et donc, j'ai mis du temps, effectivement, avant de dire très clairement. Mais ça vient aussi de cette relégation. Bien sûr. Dans l'espace. Alors, le combat des enfants de harkis, petits-enfants de harkis, c'est un combat pour l'intégration, c'est un combat social. Est-ce qu'on pense encore à l'engagement des grands-parents? Ou est-ce que c'est plus ça, maintenant, le problème? C'est tant qu'il y a un problème. Alors, il y a des associations, hein, elles sont multiples, et elles ont des objectifs, comme on dit, des statuts différents. Alors là-dedans, on va retrouver aussi bien des associations patriotiques, des associations qui travaillent sur la mémoire, d'autres de revendications matérielles, etc. Donc, en fonction de leur leur objectif, donc ils vont se battre sur tel ou tel terrain. Mais si vous voulez parler de la guerre d'Algérie, on en parle dans le cadre mémoriel. Par exemple, les interventions dans les écoles ou l'organisation de colloques. Là, effectivement, pour revenir à l'association que j'ai cofondée, donc qui est Harki et droit de l'homme. Absolument. Voilà, donc que j'ai cofondée avec Adil Hakimoum, mais qui est actuellement présidée par Fatima Benamara. Donc, c'est une association qui travaille que sur la transmission de l'histoire et de la mémoire. Donc, qui organise des colloques scientifiques. Et un colloque scientifique, c'est de faire venir des historiens. Donc, c'est très rigoureux. Voilà. Donc, publier, par exemple, des livres de témoignages, faire un peu, Est-ce que ça vient en compensation d'une information que vous jugez pas assez complète, dispensée par l'Éducation nationale sur les harkis? C'est complémentaire. C'est complémentaire. Oui, absolument. En septembre 2018, il y a un peu plus d'un an, Emmanuel Macron décorait une vingtaine de harkis de la Légion d'honneur. Il annonçait pour décembre un geste mémoriel très fort. Alors, il ne les a pas décorés, il les a promus. Promus. Voilà, il ne les a pas décorés lui-même. Il avait annoncé un geste fort en direction donc des harkis. Ça a été relayé par la presse, mais en fait, ce moment fort n'a jamais eu lieu. Donc, les associations notamment attendent. Ça va peut-être venir, mais ça n'a pas eu lieu. Fatima Besnassi Lankou, merci pour tout. Toutes ces informations importantes sur les harkis, leur histoire, leurs conditions, et si les auditeurs veulent aller plus loin dans cette thématique, il faut donc lire votre ouvrage « Famille de harkis dans le camp de Rivesaltes ». Merci infiniment. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les harkis, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Arnaud Caillé qui était à la technique aujourd'hui.